Les motivations profondes de cette marche, c'est la solidarité internationale avec le peuple grec, avec le peuple qui, pour première en Europe, à partir de 2008, a montré son propre refus au programme d'austérité promu par l'oligarchie mondiale. Το βαθύτερο κινητρά μας είναι η αλληλεγγύη, η διεθνής αλληλεγγύη προς τον ελληνικό λαό, που από το 2008 έχει υποστεί το πρόγραμμα της λιτότητας, το οποίο έχει προωθηθεί από τις γενικές διεθνείς διευθύνσεις των μεγάλων δυνάμεων. On a marché de Madrid à Bruxelles, de Nice à Athènes. On a montré et témoigné notre ferme refus de l'état des choses présentes. Περπατήσαμε, κάναμε την πορεία από τις Βρυξέλλες μέχρι την Νίκαια, από τη Μαδρίτη μέχρι την Αθήνα, για να δείξουμε, για να διαδηλώσουμε την άρνησή μας σε αυτή την κατάσταση, την τωρινή, η οποία είναι πιο προφανής στην Ελλάδα. On n'a pas de solution, ni de manifeste à promouvoir. Δεν έχουμε λύση. Programme, manifeste, n'a pas de message qui soit valable pour tous. On n'a pas un programme politique clair et précis à donner aux gens. Δεν έχουμε ένα γενικό πρόγραμμα να δηλώσουμε στον κόσμο, απλά είναι μια ένδειξη διαμαρτυρίας. Mais on est fermement convaincu que chaque peuple, chaque ville, chaque village, chaque personne soit capable de construire la réponse nécessaire pour la libération de l'oppression. Bon, ça c'est écrit en italien, donc comment je vais traduire ça maintenant? Bon, et είμαστε όμως βαθύτατα πεπισμένοι ότι κάθε λαός, κάθε χωριό, κάθε πόλη και chaque personne soit capable. Είναι ικανός, είναι ικανή να εκδηλώσουν την διαμαρτυρία τους, την άρνησή τους σε αυτό που γίνεται τώρα. Cette oppression générée dans l'ensemble des pouvoirs qui reproduisent ce système. Αρνούμαστε την καταπίεση που αναπαράγεται από το γενικό pouvoir, τη γενική εξουσία. On marche, on fait des questions, on marche demandant. Καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας ρωτούσαμε και ζητούσαμε λύσεις από τον κόσμο που συναντούσαμε. Notre existence génère la question, remet en discussion. Η ύπαρξή μας γενικεύει το ερώτημά μας. On a choisi la modalité assemblée et le refus de chaque type de hiérarchie. Διαλέξαμε τις γενικές συνελεύσεις σαν τρόπο διαμαρτυρίας και αρνούμαστε, on refuse quoi? Chaque type de hiérarchie. Και αρνούμαστε κάθε τύπο ιεραρχίας. En acceptant les risques, les défis que cette modalité comporte. Και δεχόμαστε και το κίνδυνο και το le risque et la le risque et le défi. Και το και το challenge. Αυτή τη πορεία που κάνουμε. Βαζί. L'objectif, c'est qu'ensuite, à notre passage dans une ville, dans un village, des assemblées populaires autogénérées par notre présence, par la présence de notre campement dans la place principale, dans l'agora, ils se stabilisent. Mais l'agora, c'est où? L'agora, c'est les lieux où les gens vont pour se rencontrer. C'est agora comme le nom symbolique de. Oui. Το όνομα που έχουν διαλέξει, αγορά, που ξεκινάει, όπως ξέρουμε όλοι εμείς στην Ελλάδα, από την παλιά έννοια της δημοκρατίας του Περικλή, άμεση δημοκρατία εννοούμε, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο, αυτά τα έχουμε ξαναπεί. Ο γενικός του σκοπός είναι μέσα από τις γενικές συνελεύσεις να καλέσουν, να θέσουν το ερώτημα προς όλο τον κόσμο. Στις γενικές συνελεύσεις είναι όλοι ευπρόσδεκτοι. Βαζί. Et ça, cette assemblée populaire, dans la place publique, devient le lieu principal de la décision politique. Κάθε φορά που γίνονται γενικές συνελεύσεις, ονομάζουν αυτό αγορά, στο οποίο γίνεται ο γενικός τόπος συγκέντρωσης και συζητήσεων για την, για την κοινωνική... dans le lieu public, εσύ dis? Dans la, space, dans la place publique. Σε δημόσιους χώρους με, με ανοιχτές συζητήσεις. Ouvert à tous les habitants. Είναι ανοιχτές αυτές οι γενικές, γενικές συνελεύσεις προς όλους τους κατοίκους που θέλουν να συμμετάσχουν. Indépendamment de leur origine. Ανεξάρτητα από, την, από που έρχονται, από που είναι. De leur classe sociale. Ανεξάρτητης της κοινωνικής τους τάξης. De leur vécu personnel. Και τους, του προσωπικού τους background. Enfin, de construire pas après pas une forme de démocratie directe. Ο απότερος σκοπός μας είναι να χτίσουμε, να, να δημιουργήσουμε μια άμεση δημοκρατία. Bon chance, les gars. Καλή τύχη. Θα κάνω εγώ κάποιες ερωτήσεις. D'abord, je vais te poser la question. Comment ça s'est passé de pays en pays quand vous avez marché? Κάνω την, την πρώτη ερώτηση που θα ήθελα να μάθω ως πορεία. Λοιπόν, καταρχήν είναι μια τριανταριά, είναι καμία τριανταριά, που πηγαίνανε από χώρα σε χώρα, σταματούσαν σε χωριά, πόλεις, κάνανε γενικές συνελεύσεις, όπως καταλάβαμε. Και το ρωτάω τι γινόταν σε κάθε χώρα, για να καταλάβουμε και γενικά ποια ήταν η, η γνώμη, ποια ήταν η, η αντίδραση του κόσμου. C'était quoi la, la réaction générale des gens de pays en pays? Tu peux me dire d'abord les pays que vous avez traversés? Oui. Bon, on est parti aux confins de, la, de l'Italie, en Nice. Et... Φύγαμε από την Ιταλία στην Νίκαια. And on a traversé toute l'Italie, du nord, dans la Liguria, toutes les régions d'Italie, le centre, Rome, Naples, Bari. Διασχίσαμε όλη την Ιταλία από το βορρά μέχρι το νότο. Et on a pris le ferry à part de Bari pour arriver à Igoumenitsa. Φτάσαμε, πήραμε το ferry από το, το Bari για την Igoumenitsa. Mais d'abord, je voulais savoir, en Italie par exemple, en commençant par l'Italie, c'était quoi la réaction des gens? Parce que vous vous, vous, vous arrêtiez de ville village en village. Ποια ήταν η αντίδραση των Ιταλών στις γενικές συνελεύσεις? Alors, il y a eu une grande différence entre le nord et le sud d'Italie. Ça me donne pas. Μεταξύ νότου και βορρά υπήρχε μεγάλη διαφορά στις αντιδράσεις, στην υποδοχή του κόσμου. Dans le nord d'Italie, les gens ils étaient moins curieux. Ils passaient, ils voyaient nos messages, nos pancartes, mais c'était très difficile de les faire arrêter pendant à l'Assemblée populaire. Στο βορρά, στη Βόρεια Ιταλία, ήταν πιο καχύποπτη η αντίδραση του κόσμου. Δεν έδειξαν και μεγάλο ενδιαφέρον, ούτε περιέργεια στο τι κάνανε και πώς... ούτε υπήρχε κάποια γενική συμμετοχή στις γενικές συνελεύσεις. D'abord, je voulais te poser aussi une question. Par rapport au nord de l'Italie, ils ont plus d'argent, les gens, non? Ils sont, bon, c'est une question, je pense, assez pertinente pour savoir quel, pour l'implication des gens. Oui, bien sûr, là, comme souvent, le nord d'Italie, c'est plus riche, c'est vrai. Mais plutôt, c'est une question d'habitude à vivre à la place, qui est différente. C'est que, bon, sûrement, c'est plus froid, et c'est condition. Qui change un peu. Il y avait du froid et c'était, il n'y avait pas beaucoup de lumière. Δεν είχε πολύ φως και έκανε και κρύο, οπότε και οι άνθρωποι ήταν πιο κλειστοί στις γενικές συνελεύσεις. Mais aussi la question c'est que on était en Italie tout de suite après la chute de Berlusconi. Αμέσως μετά την πτώση του Μπερλουσκόνη, οπότε ήταν τα πράγματα λίγο ασταθή. Et les gens, ils étaient dans un état. D'attente, ils ne savaient pas du tout qu'est-ce qui va aller se passer. On voyait comme la chute qui arrive du système, aussi la spéculation financière, plein d'angoisse. Mais tout d'abord, il y a quand même une crise économique en Italie, non? Oui. Il y a une économique crise en Italie. Hein? Est-ce que c'est, on peut la comparer avec la Grèce? On pourrait peut-être dire que. Il y a la crise, on est comme 5 ans avant la situation actuelle en Grèce, probablement. Θα μπορούσαμε να πούμε, συγκρίνοντας με την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, ότι είμαστε 5 χρόνια πίσω. Δηλαδή, ακόμα τα πράγματα δεν έχουν γίνει τόσο σκληρά όσο στην Ελλάδα. En Italie, on est en train d'appliquer petit à petit, en forme moins choc qu'en Grèce, les réformes qui sont en train de se faire en Grèce à une vitesse majeure. En Italie, on commence à les faire doucement. Να υπάρχει ίσως να είναι και πιο διαδοχική, πιο ήπια η μορφή της λιτότητας, των μέτρων λιτότητας, για να περάσουν ίσως και πιο καλά. Mais oui. une forte différence entre la Grèce et l'Italie, en général, la culture italienne, c'est que l'Italie n'a jamais eu la culture de la dette. Donc, il y a toujours les familles, avant d'acheter plus, c'était moins, voilà, dans la tradition normande. Ouais, ok, j'ai compris. On ne s'endette pas énormément. Chose qu'on a remarqué en Grèce, là, un peu l'état différent. Λέει, συγκρίνοντας, ο Μασιμιλιάνο, επί τη ευκαιρία, είναι Ιταλός, λέει ότι δεν υπάρχει τόσο πολύ νοοτροπία, δεν υπήρχε τόσο πολύ νοοτροπία στην Ιταλία του δανεισμού, όπως υπήρχε σε τέτοιο βαθμό στην Ελλάδα, και ίσως και αυτό τα πράγματα να ήταν και πιο ήπια. Peut-être qu'on peut mettre un peu de musique pour ne pas fatiguer les gens. Πάμε για λίγη μουσική, ίσως για να μην σας κουράσουμε και τόσο πολύ, και επανερχόμαστε. Λοιπόν, ένταση FM. Συνεχίζουμε με τον Μασιμιλιάνο από την πορεία της αγοράς. Bon, on continue donc. Moi, la question donc que je veux poser encore, c'est continuons avec avec Rome maintenant. Συνεχίζουμε λοιπόν και πάμε στη Ρώμη. Okay. Donc, c'est combien de jours d'abord de, du nord au sud pour Bob de... Bon, on est parti le 9 novembre, on est arrivé à Rome le 7 janvier. Et vous êtes parti quand? Le 9 novembre. Λοιπόν, φύγανε στις 9 Νοεμβρίου και φτάνουν στις 7 Ιανουαρίου στη Ρώμη. Et donc, bon, un des objectifs aussi de la marche, c'était de générer un agora international à Rome, quand la marche arrivait à Rome. Ένας από τους γενικότερους σκοπούς λοιπόν της πορείας ήταν φτάνοντας στη Ρώμη να κάνουν μια γενική συνέλευση, μια γενική αγορά που θα μαζεύανε πολύ κόσμο. Il y a eu un bon accueil des gens de Rome. Et la police aussi, c'est un sujet intéressant. Ouais. Oui. Bon, on peut faire un discours général pour la police, son attitude générique. Et ben, enfin, nous, nous évidemment, on ne demandait jamais des permis, on ne parlait pas avec les institutions qu'on ne connaît plus. Σημειώνουμε ότι δεν αναγνωρίζουμε τους γενικούς θεσμούς, οπότε δεν ζητάμε την άδεια. Για να μπορούμε να έχουμε τις γενικές συνελεύσεις. Οπότε και η αντίδραση της αστυνομίας είναι αρκετά ιδιαίτερη. Ρώτησα συγκεκριμένα για την αστυνομία ποια ήταν η συμπεριφορά της. Ίσως για να συγκρίνουμε και τα δικά μας. Pour les amis de Bruxelles qui nous écoutent, la police en ce moment-là en Grèce devient assez violente. Donc on va y arriver. Maintenant, on continue avec l'Italie. Ce qui s'est passé en forme pratique, nous on arrivait là, quand on était plus ou moins tous, on ouvrait nos tentes, on commençait le campement, et les heures suivantes, il y avait toutes les formes de pouvoir, de police, de différents types qui venaient. Nous campions dans la place publique, dans la place principale en général. Οπότε κατασκηνώνανε σε όλους τους δημόσιους χώρους, οπότε φυσικό ήταν και ότι η αστυνομία και κάθε μορφή εξουσίας ερχόταν να τους σταματήσει. Une petite question qui me vient à l'esprit, comment vous transportiez tout ça, puisque vous marchiez, non? Ouais. Η ερώτησή μου είναι πώς μεταφέρανε όλα τα πράγματά τους, σκηνές. Bon, donc il y a eu deux modalités différentes. La première, jusqu'à Rome, on avait souvent on avait un camionnette, une petite camionnette, un camping-car ou des voitures particulières, privées, qui des gens, des amis qu'on rencontrait de place en place nous aidaient en chargeant le maximum de matériel. C'est donc des gens indépendants qui n'étaient pas dans la marche. Les bonnes. Ήταν επίσης από ιδιωτική θέληση του στυλ ότι κάποιοι δίνανε τα αυτοκίνητά τους για τις μεταφορές. Καμιά φορά υπήρχε ένα βανάκι, ο Σιλοκέντρικο Ζιβίνο. Σταθείτε, δεν πρέπει. Α, οκ. Bon, revenons à Rome, donc. Bon, après Naples, on a décidé de laisser. À Rome, Naples, c'est après, non? Oui, Naples, c'est après, oui. Ouais. Je dis pour la modalité pour marcher. Ah, ok. Après Naples, on a décidé d'abandonner toute forme. D'aide des voitures et on marchait purement à pied avec les caddies et toutes les affaires dans les caddies. Ah. Μετά την Νάπολη εγκατάλειψαν κάθε μέσο βοήθειας αυτοκίνητα και μεταφέρανε τα πάντα μέσα από καροτσάκια, όπως αυτά που λέμε στα σούπερ μάρκετ, όπως αυτά που έχουν και οι ρακοσυλλέκτες στην Ελλάδα και όλα. Voilà. Ok. Donc pour Rome, donc on a lancé un appel international. Via les réseaux internet, network, Tech des Square, Facebook, Twitter, tous les systèmes mis en place par le mouvement international. Et ça aboutit finalement. Et vous avez une réponse à travers les Twitter, Facebook et tout ça. Il y a eu une réponse oui. Assez. Oui, ils sont en fait à Rome. Pendant 10 jours, il y a eu 250 gens de toute l'Europe wow, qui sont de la France, de l'Espagne et de certains de l'Angleterre. De différents pays qui ont convergé à Rome pour faire cette agora internationale pendant 10 jours. On a occupé la place San Giovanni. Quand on est arrivé, la police nous a dit de partir. Nous, on a dit qu'on restait à tous les coups. Et on est resté pendant 10 jours. Il n'y a pas eu de confrontation, violente. Pas de confrontation policière à San Giovanni. La police était là pour nous chasser. Et après. Ils ont décidé de nous laisser. Καταρχήν να μεταφράσω λίγο. Λοιπόν, είχε ένα γενικό κάλεσμα μέσα από Facebook, Twitter και γενικό ίντερνετ. Tu m'as dit 250 personnes à peu près. Oui, 250 personnes. Είχε μια ανταπόκριση, μια διεθνή ανταπόκριση από γενικά από όλη την Ευρώπη, περίπου 250 άτομα που ήρθαν να τους βρουν στη Ρώμη. Και τελικά εγκαταστάθηκαν στην πλατεία Σαν Τζοβάνι. Στην αρχή η αστυνομία προσπάθησε να τους διώξει, δεν τα καταφέρανε. Προφανώς η αστυνομία τους δεν είναι και τόσο βίαιη όσο η δική μας. Moi j'ai une question. Vous étiez quand même majoritairement de. C'est-à-dire, il y avait des Italiens, comme on a dit, des Français, des Espagnols. Vous aviez quand même des Italiens qui pouvaient aussi communiquer avec la police là-bas. Oui, oui bien sûr. Oui, ça a aidé quand même. Oui, non? Ça a aidé, oui. Si, mais, enfin, c'était. La dimension internationale fatiguait énormément les policiers. Parce qu'il y avait aussi tout un système. Nous, on n'avait pas des gens qui allaient parler avec la police. La police était invitée à peine partir à la discussion. Il y avait trois traductions, quatre traductions à faire. Et voilà, après la police, il ne recevait pas l'ordre de nous chasser. Η διεθνής υπόσταση της ομάδας, Ισπανοί, Γάλλοι και τα σχετικά Άγγλοι, Γερμανοί, κάπως ενοχλούσε την αστυνομία στο να μπορεί να επέμβει με πιο βία μέσα. Donc à Rome, vous êtes resté combien de jours? 10 jours dans la place. Donc 10 mères sti Rome, λοιπόν. Raconte-nous ce qui s'est passé à Rome. Bon, là, fondamentalement, on a fait des assemblées thématiques sur la dette, sur la démocratie directe, sur d'autres. Il y avait un programme plus ou moins ouvert thématique et aussi des actions dans la ville. On est allé occuper la place San Pietro dans le Vatican. Oh, wow! Λοιπόν, καταρχήν είχαν στις γενικές συνελεύσεις υπήρχαν θεματικά η άμεση δημοκρατία, το πρόβλημα του χρέους, της οικονομικής κρίσης. Μετά ξεκινήσανε όλοι μαζί και πήγανε να καταλάβουν την πλατεία του Βατικανού. Là, bon, le Vatican, c'était l'action la plus, comment dire, plus forte. Qu'est-ce que tu entends par action plus forte? Dans le sens que, bon, quand on était. Là, il y a eu une confrontation avec la police, ils nous ont après chassés. Quand même, l'église devrait être plus paisible, non? Oui, mais bon, c'était un autre état. Parce que c'était l'état du Vatican, c'est un autre état, c'est un autre. Mais il y a des accords avec la police italienne pour éviter qu'il y ait des choses. Et quand tu dis plus violent, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ils nous ont chassés, ils nous ont empêchés de rester là. Nous, on voulait s'accamper là. Mais on a fait une assemblée là. Il y a eu quelqu'un qui a escaladé les sapins de Noël du Vatican. Non. Oui. Λοιπόν, καταρχήν η αστυνομία φυσικά ήταν πιο βίαιη στο το κράτος του Βατικανού, σημειωτέν είναι ανεξάρτητο κράτος μέσα στην Ιταλία. Με συγκεκριμένες συμβάσεις και συμφωνίες με την αστυνομία. Τους διώξανε. Υπήρχε και κάποιος ο οποίος καρφάλωσε στο. Άστετε Νοέλαλο. Στο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Βατικανού. Τέλος πάντων, τους διώξανε. Donc, à ce moment, l'assemblée qui était là a décidé de rester jusqu'à quand le compagnon qui avait décidé, en forme un peu folle, de faire cette action, qu'il soit avec nous. Donc, on a décidé de pas partir. De la place à tout le coup, jusqu'à quand nos compagnons étaient. Pour le défendre. Ah, donc il y a eu des arrestations? Oui, en fait, ils sont, trois compagnons de nous ont été arrêtés dans la crèche du Vatican. Ok. Et ils ont été arrêtés, ils ont été emmenés. On pensait, voilà, on était là pour les défendre, pour éviter qu'ils soient pris. Et après, ils ont été identifiés. Nous, on ne savait pas ce qui allait se passer. Donc, on dit, on restera là jusqu'à quand ils sont avec nous. Après, la police nous a chassés violemment, nous a virés, et il y a eu une charge, nous ont chassés. Έγιναν και συλλήψεις φυσικά. Εν ολίγης, συλλάβανε τρία άτομα, τα οποία μετά ελευθερώσανε, μέχρι εφόσον αυτοί αντιστάθηκαν και όλη η ομάδα προσπάθησε να τους ελευθερώσει. Donc après vous êtes retourné à Rome. On est retourné à la place. Mais l'essence finalement de cette action, c'était de dire voilà, la place Saint-Pierre, c'est une place énormément, il y a énormément de gens qui vont à cette place, et c'est interdit toute forme d'action politique là-dedans. Mais bon, mis à part la police, l'accueil des gens là-bas, oui. C'était comment? Alors à Rome, il faut dire qu'il y a eu une équivoque. Sûrement un équivoque, avec le mouvement italien, le mouvement de Rome, les activistes de Rome, qui on n'a pas su s'entendre. Il y a eu un problème de communication entre nous et les autres mouvements, à cause, sûrement à cause du conflit du 15 octobre, qu'il y a eu à Rome. Il y a eu un énorme conflit, une sorte de guérilla entre tous, entre la police et les mouvements, entre certains partis du mouvement et d'autres partis du mouvement. La thématique de la non-violence, du pacifisme, de l'action directe, tout ça a généré une forme de suspect de tous. Et nous, on était là, on venait de l'extérieur, on avait... C'est-à-dire que tu veux dire qu'il y a un œil un peu suspicieux vis-à-vis du fait que vous êtes pacifique et vous ne voulez pas une implication violente. C'est pas exactement ça, mais c'était un climat de division. Tous les mouvements étaient tous divisés. Bon, μάλα λόγια αυτό που εξηγεί τώρα είναι ότι υπήρχε μια κακή συνεννόηση με τους ακτιβίστες της Ιταλίας, πράγμα που συμβαίνει και σε εμάς. Και τελικά, ίσως μετά από τα επεισόδια της 15 Οκτωβρίου, δεν μπόρεσαν τελικά να συνεννοηθούν. Mais en tout cas, est-ce que vous étiez satisfait de ce que vous avez essayé de passer Oui, oui, sûrement, comme mouvement international, c'était bien, ça a bien marché. Il y avait les gens sont, de toute l'Europe sont venus là, on a réussi à faire les assemblées, à faire ce qu'on voulait faire. Στην ουσία πάντως καταφέρανε αυτό που θέλανε, συγκεντρώθηκαν περίπου 250 άτομα τα οποία αυτοί καλέσανε, οι γενικές συνελεύσεις πήγαν καλά και έμειναν 10 μέρες συνολικά. Στη συνέχεια θα ρωτήσω, après Rome, vous êtes allé? Dans le sud, donc en direction de Naples, et après on a passé la Basilicate pour arriver dans les Pouilles. Ah, vous êtes allé à Pouilles aussi? En Pouilles, et Bari, on est parti de Bari. Λοιπόν, συνεχίσανε για Νάπολη και μετά για Νότια, όπου θα παίρνανε το φέρι από το Μπάρι. C'était quoi l'accueil à Naples? À Naples, c'était un des meilleurs accueils, évidemment. Ah, le sud. Le sud, voilà. Et après Rome, le continent change. Ah. L'Italie change radicalement après, à la fin ναι, du Lazio. Σημειωτέων, μόνο για να βάλουμε λίγο και το, μια εικόνα για την Ιταλία. Νότια Ιταλία και Βόρεια Ιταλία δεν έχουν καμία σχέση. Στην Νότια Ιταλία η υποδοχή ήταν η καλύτερη από όλες. Γενικά η Νότια είναι και πιο λαϊκή, οπότε υπήρχε και μια πολύ καλύτερη υποδοχή. C'est-à-dire, parle-moi un peu de l'accueil. Qu'est-ce qui s'est passé? Combien de jours vous êtes restés? À Naples, on est resté en semaine. C'était là où on passait en fait, l'hiver le plus froid de l'Italie depuis 20 ans. Mais heureusement, on était au sud à ce moment. Et donc, même avec la pluie, avec des drâches énormes, il y avait plein de gens, des écoles, des activistes, même aussi au niveau des activistes, des militants, des mouvements. À Naples, il y avait des relations bonnes. Et on a réussi à faire des assemblées, on a réussi à communiquer beaucoup à Naples. Et en général, dans le sud d'Italie, l'accueil était soit au niveau du peuple, soit au niveau des gens qui n'ont jamais fait de la politique, soit par des gens qui sont plus actifs. Il y avait une relation plus forte. Oui, mais dans les assemblées générales, est-ce que vous avez réussi à passer le message que vous vouliez passer? Oui, sûrement oui, parce qu'on a réussi à faire des assemblées. Tu peux raconter un peu ce qui se passe? Comment ça marche. Oui. Alors l'idée c'est que voilà, après avoir monté le campement, on s'assoit en cercle dans la place, et il y a quelqu'un qui commence à lancer l'invitation pour une assemblée populaire, et petit à petit on commence à crier ça, on fait une annonce, et les gens, au fur et à mesure, ils se rapprochent. Λοιπόν, η ερώτησή μου ήταν πώς λειτουργούσαν πάνω κάτω οι γενικές συνελεύσεις. Λοιπόν, με το που εγκαθίστανται σε μια πλατεία με τις σκηνές τους, ξεκινάνε το γενικό κάλεσμα, φωνάζουν ότι υπάρχει γενική συνέλευση, όλοι όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να συμμετάσχουν. Et après, une fois qu'il y a une forme qui se crée dans la place, on commence à parler. Et les gens, un peu curieux, un peu de passage, s'arrêtent là. Comme une forme d'attraction. Et nous, on commence à raconter pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait. Et après, on donne la parole aux gens qui sont là pour essayer de développer qu'est-ce qui se passe dans la ville, pourquoi, est-ce qu'il y a de la crise, est-ce qu'il y a des problèmes, est-ce que chacun veut parler l'une à l'autre, raconter, se voir dans les yeux pour communiquer chaque problème. Οπότε ουσιαστικά προωθείται η βασική έννοια της αγοράς. Κάθονται όλοι κυκλικά. Έχουν ήδη φωνάξει ότι γίνεται μια γενική συνέλευση. Κάποιοι θα έρθουν να κάτσουν. Δίνουν το λόγο σε αυτούς τους καινούριους. Ξεκινάνε τις ερωτήσεις γιατί υπάρχει οικονομική κρίση, τι γίνεται, γιατί είναι εκεί αυτή η ομάδα που είναι εκεί. Καλό, Βαζί. Après la discussion, évidemment, c'est un début. C'est un début. Et l'idée, c'est que les gens, après nous après qu'on s'en va dans l'utopie, c'est que ces gens qui sont réunis une fois là, on propose alors, comme modalité de décision, que ce groupe de gens qui est là, ils prennent la décision de se revoir la semaine suivante, ou quand ils peuvent, se revoir dans ces lieux-là, à une heure définie, pour continuer la discussion et voir quelle action commencer à... C'est comme un rendez-vous, tu veux dire. Voilà, forme de quelque chose qui continue. Qui devient solide. Ça, c'est un peu l'idée. Ναι, η ιδέα είναι να δώσουν μια συνέχεια σε αυτές τις γενικές συνελεύσεις, δηλαδή καθορίζουν καινούρια ραντεβού, καινούρια καλέσματα και μέσα από αυτές τις συζητήσεις ο σκοπός είναι να περάσει μια πολιτική συνείδηση για το τι συμβαίνει, γιατί συμβαίνει η κρίση, γιατί η καταπίεση και όλα αυτά. Je veux vous poser une question. Est-ce que vous avez aussi ramassé des gens au fur et à mesure que vous passiez, c'est-à-dire dans votre groupe qui ont continué avec vous? Ah bien. Alors, au niveau de l'italien, on n'était pas. Il y avait quelques-uns qui faisaient quelques étapes. Par exemple, faisaient deux jours avec nous, après ils retournaient. Après d'autres qui faisaient des étapes et retournaient. Par contre, au niveau international, à la sortie de Rome. Il y a beaucoup de gens d'Espagne qui sont arrivés, qui ont rejoint la marche. On est arrivé à Rome en 25, on est parti de Rome en 50. Mm. Après, chacun a fait une partie, après il s'est retourné. Le groupe l'a métamorphosé plusieurs fois. Ναι, η ομάδα βασικά διαδοχικά μεταμορφώθηκε, δηλαδή κάποιοι έφευγαν, κάποιοι μπαίνανε στην ομάδα καθώς περνούσαν από τις πόλεις. Mais en tout cas, c'est pas important combien on est. Oui, c'est le message qui passe. L'important c'est qu'il y a toujours quelque chose qui est là, avec des gens différents, toujours ouvertes. En tout cas, très difficile parce que ça. Ça comporte de l'effort physique, de l'effort psychologique mm-hmm. et de la détermination. Donc, c'est pas aussi de ne pas avoir des engagements familiers, des engagements de travail. Donc, c'est un choix qui n'est pas facile. C'est pas facile. Πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν ήταν και τόσο σημαντικό ποιοι θα τους ακολουθούσαν. Το θέμα ήταν να περάσει το μήνυμα και κυρίως ότι δεν είναι κάτι το εύκολο. Ήταν μια πορεία 5-6 μηνών, στο οποίο σημαίνει ότι δεν είχαν κάποιες δεσμεύσεις όλοι αυτοί που το κάνανε. Οπότε το πιο σημαντικό ήταν να περάσει το μήνυμά τους. Donc, est-ce que vous êtes pas. C'est-à-dire, en fait, vous avez commencé de Nice. Oui. Avec l'appel du G20, c'est ça? Oui, à la suite du G20. Oui. Et donc, en fait, vous avez commencé de France. De France, Nice. Oui, de Nice. Et donc, il y a eu quand même des Français qui étaient oui. dans votre groupe. En fait, la marche est partie en grande majorité français, belge. Oui. Et un italien et un fils grec. Et après. Oui. Après, les Espagnols sont. Il y avait quelques Espagnols qui arrivaient à Florence. Et en Rome. Le mouvement espagnol de Madrid, de Barcelone, il a pris partie dans la marche. Donc, actuellement, les deux groupes majoritaires sont Espagne et France. D'accord. Mais pas de Grecs, en fait, finalement. Des Grecs, pendant le passage en Grèce, on a eu des gens de... Ça, on va revenir parce qu'on va se concentrer un peu sur ça. Et το θέμα είναι ότι δεν υπήρχαν Έλληνες. Εντάξει, τώρα το γιατί και για πώς δεν το ρωτάμε. Απλά στην πλειοψηφία τους ήταν Ισπανοί, Γάλλοι και Ιταλοί. Donc, après, maintenant, Bari, vous prenez le ferry et vous arrivez en Grèce. À Igoumenitsa. Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε τώρα στην Ελλάδα. Alors, tu peux me raconter un peu, d'abord, la marche de Igoumenitsa jusqu'à Athènes, ça a duré combien de jours? Presque deux mois, parce qu'on est arrivé le 15 mars à Igoumenitsa, et mars, avril, mai, donc c'est deux mois, 15 mars, 5 mai. Donc de 15 mars au 5 mai en Grèce. Deux mois de pourrières, από την Igoumenitsa μέχρι την Athènes. Donc, raconte-moi un peu, c'est-à-dire les passages, le, aussi comme avant. Alors, on a fait les pires, donc Goumenitsa, Preveza, Filokia, on est à Grigno, Messolonghi. Après, on a fait une étape un peu extraordinaire à Patras. On est retourné, on a repassé, on a fait un aller-retour dans le Péloponnèse. Donc, après Patras, on est retourné dans le nord. On a fait toute la côte de Ratigny, on a passé la Pâque à Ratigny. Ratigny, Théa, Delphi, Tibet, Athènes. Λοιπόν, όπως όπως ακούτε κιόλας, είχαν διάφορες, διάφορα περάσματα από Θήβαια, Δέλφη, Ratigny, Messolonghi, Patras à l'aller-retour. Tu peux me dire combien de jours vous êtes resté, c'est-à-dire par exemple à Thèbes? Ouais. Donc en général, c'était dans les villes un peu plus grandes, on restait deux ou trois nuits. Στις μεγάλες πόλεις σημαίνουν δύο με τρεις νύχτες. Toujours le même principe, hein, dans une grande place. Πάντα το ίδιο, κατασκηνώνανε σε μια μεγάλη πλατεία. Tu peux me raconter un peu comment c'était l'accueil, c'est-à-dire toi, tu voyais pour la première fois aussi la Grèce dans la crise et oui, tout ça. Oui. Tu peux me raconter un peu ton impression? Oui. Alors, la différence de l'Italie, c'est qu'on voyait que, bon, on voyait, bon, surtout dans les pires, on voyait une situation de pauvreté remarquable. Λέει σε σύγκριση με την Ιταλία, η ερώτησή μου ήταν πώς είδαν στην Ελλάδα τέλος πάντων την κρίση. Και είπε σε σύγκριση με την Ελλάδα ήταν πάρα πολύ εμφανής η φτώχεια. Qu'est-ce que tu entends comme pauvreté, c'est-à-dire parce que bon. Bon, à différence de l'Italie, je sais pas, dans les magasins, on voyait comme si l'État n'était pas comme. Il n'y avait pas beaucoup de commerce, il n'y avait pas beaucoup de. Dans les villages, dans les. Ah, ouais, ouais. Et c'était comme une sorte d'état d'abandon. Et ça allait, δηλαδή, με un παρατηρητικό βλέμμα, ότι ήταν σαν εγκαταλειμμένες πόλεις από άποψη εμπορίου και γενικά κίνησης. Mais peut-être que ça ne soit pas la crise, mais ça. C'était toujours comme ça. Ça, on peut parler ça. Je ne peux pas dire. Non, ça maintenant. Mais par contre. Donc, en fait, en arrivant, par exemple, disons, au premier passage, une grande ville, donc vous avez campé tout ça. Est-ce que la réaction des gens était. Comment c'était la réaction voilà. des gens oui. Donc, c'était. Les gens, on remarque ici, les gens sont plus timides, donc ils s'approchent moins vite, mais dès qu'ils comprennent qu'est-ce qui est en train de se passer, il y a comme une étincelle dans leurs yeux qui s'allume. Λέει ότι οι άνθρωποι λέει στις ελληνικές πόλεις και χωριά ήταν πιο διστακτικοί, με το που όμως καταλαβαίνανε και αντιλαμβάνονταν τι γινόταν και τι ζητούσαν αυτοί ως πορεία και διαμαρτυρίας, φαινόταν ότι ξαφνικά σαν να ξυπνούσαν και σαν να ενδιαφέρονταν. Donc ici je reviens à la question. Donc en fait, comme vous n'aviez pas de grec, c'est en quelle langue que vous appeliez les gens? Oui, c'était voilà. Quand on est arrivé en Grèce, le seul grec qui était avec nous avait laissé déjà pour aller à Athènes. Donc, on arrive à Goumenitsa et finalement, on ne savait pas comment faire. On était dans l'inconnu total. On a retrouvé des étudiants de Goumenitsa, du Catalypse de l'université de Goumenitsa, qui nous ont aidés tout de suite. Et avec... C'est l'occupation de la faculté, tu veux dire hein? Oui, je ne sais pas, Catalypse. Catalypse, ça veut dire occupation. D'une partie de la faculté, un lieu occupé. Ils sont venus, des anarchistes probablement, sont venus nous aider. Et là, avec eux, on a réussi à faire des traductions anglais et grec. Une question, est-ce qu'ils savaient déjà que vous alliez arriver par l'appel d'Internet? Certains, oui, certains moins. C'était un peu confondu parce que c'était pas clair si on allait à Goumenitsa ou à Patras. Ah. Λοιπόν, η αντίδραση του κόσμου ήταν, όπως είπαμε, πάλι διστακτική. Όταν φτάσανε στην Οικουμενίτσα, ήταν κυρίως οι φοιτητές από καταλήψεις που τους υποδεχτήκανε. Πιθανώς αναρχική, καλά αυτό δεν θα σταθούμε σε αυτό. Et après Goumenitsa, donc, combien de jours à Goumenitsa déjà? Deux nuits à Goumenitsa. Oui, et puis après? Et puis, un autre passage important, c'était Preveza. À Preveza, on était là le 25 mars. Ah, pendant la parade voilà. nationale. Et nous, on a décidé de rester un jour en plus. On est arrivé là le 22 mars. Et on a fait beaucoup de contacts, des gens. On s'est muni beaucoup avec les activistes de Preveza, du mouvement de là, et qui nous ont demandé de rester un jour en plus pour participer à la parade, pour participer à la contre-parade. En fait, on a donné notre force, notre énergie pour cette organisation. Et on a comme un peu dérangé la parade institutionnelle avec une forme de autre manifestation à côté. Il y avait la présence de la police était. Oui. Là, il y avait la police. C'était pas comme en Athènes, évidemment, c'était pas comme à Patras, mais il y avait la police qui était là pour nous empêcher de rentrer dans la parade. Et une question qui me revient à l'esprit, que j'ai pas posée avant, c'est vous faisiez combien de jours de marche? Comment vous faisiez les pauses Oui. On faisait, moyen, dans une semaine, on faisait 2 jours de pause. Donc, on faisait 3 jours de marche. Donc, on arrive en... 3 jours de marche consécutifs. Consécutifs. Et les nuits aussi. Et vous dormez quand vous... Non. Alors, bien sûr, on marche, on arrive, on dort. Le jour d'après, on marche. Le jour suivant, on marche. Le troisième jour, dans la ville du troisième jour, on reste 2 nuits. D'accord. Η ερώτησή μου ήταν μια μικρή παρένθεση. Πώς οργανώνονταν η πορεία? Ήταν 3 μέρες πορεία και μια μέρα, ας το πούμε, διακοπή. Τουλάχιστον όμως τη νύχτα, όπου και να ήταν, δηλαδή περπατούσαν όλη τη μέρα και τη νύχτα, όπου και να ήταν, θα σταματούσαν για να κοιμηθούν και να συνεχίσουν την πορεία. Αλλά στην τρίτη μέρα θα σταματούσαν ως διάλειμμα και για τη μέρα. Συνεχίζουμε. Η ερώτηση ήταν: tu m'as dit que c'était à Prévèze avant, parce que je retourne. Si. Oui. Στην Πρέβεζα μείνανε και μία μέρα παραπάνω για την 25η Μαρτίου για να βοηθήσουν το κίνημα εκεί. Η αστυνομία ήταν αρκετά δυνατή. Τουλάχιστον πάλι αυτοί ενοχλήσανε με κάποιο τρόπο τους θεσμούς. Ο σκοπός ο άμεσος δεν είναι η ενοχλήση των θεσμών, όσο το να περάσουν το μήνυμά τους. Bon, et après Prévèze, vous êtes allé? Après Amphilochia. Amphilochia, vous êtes resté aussi à Amphilochia? Oui, 2 nuits à Amphilochia. Et là-bas, comment? Là on a réussi à faire une assemblée populaire. En fait, une des questions principales qu'on remarquait, c'était la question de l'électricité. Et les problèmes avec les taxes sur la maison, toute cette situation problématique vis-à-vis de l'énergie. Est-ce que tu as compris ce problème? Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une taxe qui n'est pas liée à la consommation, mais à l'ampleur de la maison. Et donc, même si tu n'allumes pas la lumière, tu dois payer quand même. Oui. Ça, on connaît le problème. C'est juste pour les gens qui nous écoutent en français. C'est la taxe qui n'ont pas réussi à faire payer aux gens l'année dernière, qu'ils ont passé à travers la facture, parce que si tu ne la payais pas, on te coupait le courant. Donc, c'était clair et net qu'il fallait la payer. Juste une traduction pour les gens en Grèce. Αυτό που παρατήρησαν πάρα πολύ ήταν ότι σε κάθε γενική συνέλευση όλος ο κόσμος παραπονιόταν για το λεγόμενο χαράτσι. Σίγουρα εμείς το ξέρουμε το πρόβλημα, πάντως το μαθαίναν αυτοί για πρώτη φορά. Qu'est-ce que tu en penses? C'est comme une excuse encore pour trouver de l'argent, pour vexer sans raison, simplement pour... Tu dois trouver de l'argent, alors tu utilises tous les moyens qu'ils ont pour récupérer de l'argent, pour le donner aux banques. C'est une excuse pour trouver une forme qui soit simple. C'est une forme de chantage. Tu ne peux pas la payer parce qu'ils vont te trouver et te couper la courant. Et tu as besoin de cette énergie pour vivre, pour tout. Le courant, vivre sans courant, dans ce monde, c'est plus possible. Tout à fait. Λοιπόν, η ερώτησή μου ήταν τι σκεφτόταν ο Μασιμιλιάνο για αυτό το χαράτσι. Και όπως φυσικά το ξέρουμε και όλοι, ήταν ένας εκβιαστικός τρόπος για να μαζέψουν χρήματα για να τελικά να τα δώσουν στις τράπεζες. Άδικος τρόπος γιατί κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από τον ηλεκτρισμό, γιατί δεν μπορεί να ζήσει χωρίς ηλεκτρισμό πλέον. Και όλα αυτά. Et on va écouter un peu de musique pour reposer les gens. Old pirates, yes, they rabbi. Sold I to the merchant ship. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my head. hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. All I ever had, redemption songs. These songs of freedom. Songs of freedom. Λοιπόν, ακούτε πάντα ραδιοένταση, ο συγκεκριμένος σταθμός που πολεμά κατά της παραπληροφόρησης, που αγωνίζεται για μια πιο αντικειμενική πληροφόρηση μέσα στα, κατά τα, τον mainstream μέσα μαζικής ενημέρωσης. Je traduis aussi en français pour ceux qui nous écoutent, qu'on est toujours sur Radio Endassy. C'est la station qui lutte contre l'information générale mainstream, qui est l'information qui manipule les gens, et que c'est une radio pirate. Et on espère toujours diffuser, lutter toujours pour la vraie information. Donc on a toujours un Massimiliano avec nous et on continue. Donc, donc on était toujours en Grèce. Vous arrivez en Philokia, en Philokia. Voilà, on parlait de la question de l'électricité. Bon, l'étape suivante où on a réussi à faire beaucoup de relations avec les gens, c'était à Agrigno. Donc Agrigno, c'est quand même une petite ville. Mais bon, vis-à-vis de ce qu'on vient de tous les... Bon, après Goumenitz, c'est peut-être la plus grande ville qu'on a vue après dans la série. C'était une ville vraiment plein de gens, dans une place habitée par les gens qui ont encore l'habitude de passer par cette place, par s'asseoir, pour être là dans la place. Donc c'était quand même très dense, beaucoup de gens. Et là, on a réussi à être en contact avec des activistes du mouvement d'Agrigno. Et on a là aussi fait une grande assemblée populaire. Et là encore, la question de l'électricité était présente. Et le jour, je ne me rappelle pas quand on était là, mais le jour suivant, il y avait aussi une action pour cette question d'électricité. Et par là, on a rencontré un groupe Je vais traduire d'abord. Τώρα πάμε στο Αγρίνιο, στο οποίο κατάφεραν να κατασκηνώσουν σε μια πλατεία που είχε συνέχεια κόσμο. Ήταν αρκετά ευχαριστημένοι από την κίνηση στο Αγρίνιο και την υποδοχή του κόσμου. Ήρθαν και σε επαφή με ακτιβίστες εκεί πέρα. Là, certains activistes d'Agrigno, après, nous ont aidés dans la suite. Des fois, ils sont venus dans la marche, ont participé un peu, quelques Grecs, les partis d'Agrigno pour participer un peu dans la marche. Et moi, j'ai une autre question aussi qui m'est venue à l'esprit. Au fait, comment vous faisiez pour manger, pour vous baigner, pour vous doucher, je veux dire, et tout ça? Parce que, quand même, ça, c'est, vous dépendiez de l'accueil des gens. Oui, exactement. Ça, c'est vrai. Alors, en Italie, c'était. On allait aussi à faire la récup à la fin de la journée. On demandait aux magasins, aux boulangeries, aux pizzeries, s'il y avait des choses qui restaient, qui allaient à la poubelle. Parce que des bonnes choses, du surplus du marché. Ouais. Et on récupérait ça. Η ερώτησή μου ήταν πώς, εφόσον ήταν μια πορεία που κράτησε τόσους μήνες, πώς κάνανε για το φαγητό και για να πληθούν. Και μου είπε ότι εξαρτώνταν κυρίως από την καλή θέληση του κόσμου, πηγαίνανε στα μαγαζιά και στα εστιατόρια για να μπορέσουν να πάρουν αυτά που ούτως ή άλλως τα πετούσανε. Après en Grèce... Finalement, voilà, on voyait que... Parce qu'en Grèce, déjà, on est en crise. En fait, il n'y avait pas de surplus dans les magasins. Mais bon, les gens, on partageait cet idéal politique, notre présence, et les gens nous aidaient. Il y avait une solidarité forte entre nous, quand on était là, notre présence, et les gens qui venaient à nous écouter, à parler ensemble, à communiquer. Pour nous donner l'énergie pour continuer à arriver jusqu'au bout, arriver jusqu'à Athènes. Et voilà, ça marchait, ça fonctionnait. Όσον αφορά την Ελλάδα, φυσικά, εφόσον είμαστε και σε κρίση, το να υπάρξουν πλεονάζουν φαγητό στα εστιατόρια ήταν πολύ δύσκολο. Εξαρτώνταν πολύ περισσότερο από την αλληλεγγύη του κόσμου, οι οποίοι όμως βοήθησαν και. Για να συνεχίσουν αυτό το έργο. Est-ce que tu as quand même senti qu'il y avait une solidarité des Grecs? Très. On ressentait beaucoup plus de solidarité en Grèce qu'en Italie. Même si en Italie, peut-être, il y avait plus qui arrivait, des gens, au niveau matériel. Mais c'était comme moins fort les sentiments. Les sentiments en Grèce, c'était quelque chose de beaucoup plus profond. Parce que moins les gens avaient, plus ils donnaient. Oui. Τον ρώτησε όσον αφορά την αλληλεγγύη των Ελλήνων και είπε ότι ήταν η πιο αισθητή από όλες, ακόμα και από την Ιταλία που υπήρχε περισσότερο φαγητό, αλλά λέει ότι ήταν σαν μια αίσθηση ότι όσο λιγότερο είχε ο κόσμος, όσο περισσότερο έδινε. Juste une petite remarque pour nos amis qui nous écoutent. C'est la solidarité qui sauve aujourd'hui la Grèce de la crise. On a déjà raconté ça, il y a les gens qui déménagent chez les parents, l'un aide l'autre, sans ça, en fait, peut-être que il y aurait eu une révolution déjà, mais en fait, c'est la solidarité qui sauve les gens de la vraie misère. Oui. Donc, on est maintenant, on part de Agrigno pour aller... Pour aller vers Messolonghi, c'est la ville suivante, la grande ville suivante où on est resté. C'est une ville? Bon, en Grèce, c'est difficile de parler des villes, des villages ou petits rassemblements de maisons. C'est très différent qu'en Italie. Pourquoi? Parce que la densité de la population est tout à fait différente en Italie. Un petit village, c'est 10 000 habitants. Et ici, un petit village, c'est 200. Η διαφορά μεταξύ των χωριών στην Ιταλία και εδώ είναι ότι εδώ είναι ένα χωριό είναι 200 άτομα, ενώ στην Ιταλία είναι 10.000. Et alors maintenant, donc à Messolonghi, on se retrouvait juste quand les pharmacistes se suicidaient pour la lutte à Syntagma, on était à Messolonghi. Ah. Tu as entendu de cette... Oui, on était là, on était tous... On a célébré dans l'assemblée aussi cet acte. On a, pendant la soirée, on a allumé des bougies à Messolonghi avec les compagnons de la ville. Tu sais pourquoi il s'est suicidé, ce... Oui. Pour une forme de doute, on a compris, pour une forme de refus, pour pas accepter qu'il existe un contenu comme il est. On a compris, c'était pas bien probablement, voilà, cet acte c'est toujours dramatique, il y a sûrement une vie derrière, mais c'est un acte, on a tous entendu, c'est un acte politique, c'est un acte, une forme extrême de refus. Όταν ήταν στο Μεσολόγγι, ήταν τότε που αυτοκτόνησε ο φαρμακοποιός, αν δεν απατώ, ο Χριστούλας, ο οποίος, λέει ο Μασιμιλιάνο, ήταν μια πολιτική έκφραση απελπισίας στην οποία, για να μην δεχτεί αυτό που ακολουθεί, το ξέρουμε όλοι. Mais tu sais que quand même, si tu as suivi un peu les mass médias et tout ça, ils ont quand même essayé de passer le message qu'il était endetté, que ça n'avait aucune dimension politique. Oui, bien sûr. Après, on a vu la lettre qu'il a écrite, où il disait clairement qu'il avait payé toutes les dettes qu'il avait. Il n'avait pas de dettes. Donc, c'était pas ça la question. Mais voilà, bon, bien sûr, il y a une manipulation toujours, c'était quelque chose de très fort, très extrême, qui pouvait dégénérer dans, comme par exemple ce qui s'est passé à Tunis l'année d'avant. Oui, voilà, c'est ça, l'immolation qui a généré la révolution en Tunisie, exact. Et aussi en Égypte. Et si, ouais, sauf que, bon... Et raconte un peu pour l'accueil des gens à... Ah oui, selon Guy, là, c'était... On a accueilli, c'est remarquable, par des activistes d'un groupe de vélos. Ah. Des gens à vélo qui nous ont accueillis là, ils sont restés avec nous pendant la nuit. Ils se sont accampés avec nous aussi, certains. Et de Messolonghi, maintenant, il y a un groupe de gens de Messolonghi qui ont participé pendant longtemps dans la marche. Et un garçon de Messolonghi qui est arrivé jusqu'à Athènes, qui nous a accompagnés jusqu'à l'arrivée. Στο Μεσολόγγι συνάντησαν και το κίνημα των ποδηλατών, οι οποίοι ποδηλάτες κατασκήνωσαν και μαζί τους. Κάποιοι τους ακολούθησαν και όλες μέχρι την Αθήνα. Bon, je voudrais quand même maintenant, avant de parler de tout ce passage, et de parler de votre dernier message, votre appel général pour l'Assemblée, pour la manifestation qui aura lieu à Athènes, parce que quand même, c'est pour ça que tu es là. Oui. Oui. Alors... Il faut contextualiser en fait aussi cette marche, parce que c'est dans la dimension internationale du mouvement qui est en train de se répandre dans le monde. Alors, on est arrivé ici dans la première semaine de mai, parce que le 12 mai, c'est l'anniversaire, le 12 et 15 mai, c'est l'anniversaire de la naissance du mouvement espagnol, de l'occupation de l'espace public en Espagne. Les indignados d'Espagne qui ont occupé la place Catalunya, la place del Sol. Après, le mouvement s'est répandu, il y a occupé Wall Street. Donc, en fait, c'est un an de mouvement qui dans le monde un peu est là. Et alors, nous, on sera là et l'idée, c'est de réoccuper l'espace public de la place centrale de la Grèce, d'Athènes. Et encore, on n'est pas beaucoup. Notre groupe n'est pas un groupe énorme, mais on fera cette action, on va essayer de récupérer l'espace public. Évidemment, plus on sera, plus ça va fonctionner. Et l'idée, c'est de réouvrir une assemblée, de réouvrir une place qui soit ouverte à tous, tout en sachant qu'il n'est pas possible. Ça on va voir, mais attends, je traduis d'abord. Το βασικό μήνυμα που προσπαθούμε να περάσουμε σήμερα είναι ότι είναι ένα γενικό κάλεσμα όλων αυτών των παιδιών για την κατάληψη της πλατείας Συντάγματος στις 12 Μαΐου, από τις 12 μέχρι τις 15, είναι τα γενέθλια της γέννησης του κινήματος των Ισπανών, των αγανακτισμένων. Είναι ένα γενικό κάλεσμα, ένα διεθνές κάλεσμα, όλοι πρέπει να είμαστε εκεί. Και ελπίζουμε να είμαστε όλοι εκεί. Θα πούμε και πιο πολλά μετά. Donc, avant de, parce que on va encore parler de cet appel, mais je voudrais quand même en fait, te demander la destination finale, c'est Athènes. Mais maintenant, on est encore à Messolonghi. Et après Messolonghi, il y a quand même quelques villes où vous avez quand même réussi à passer un message. Oui, on est passé par Patras aussi. Patras, c'est la troisième plus grande ville de Grèce. Et enfin, là, pour Patras, on a décidé de... Ce n'était pas dans l'itinéraire, parce que c'était dans la Péloponnèse, nous, on préférait aller dans le nord. Mais on a quand même décidé, en se trouvant à tout... à quelques kilomètres de Patras, d'y aller, d'essayer ou de faire notre 3 jours là pour rencontrer le mouvement de Patras, sachant que l'année passée à Patras, il y a eu aussi des occupations de la place principale. Et donc, on voulait rencontrer le mouvement de là. Mais... Un seconde. Tu n'étais pas dans le programme, mais tu as arrêté à Patras. Combien de jours vous êtes resté à Patras? 3 nuits. Έμειναν 3 νύχτες στην Πάτρα και vous avez aussi occupé une place. Oui, oui. Nous, en fait, alors là, faire un passage sur la question de la police. Nous, finalement, on n'a presque jamais rencontré la police en Grèce, différemment qu'en Italie, où la police venait tous les jours, tout le temps, à nous demander les papiers, nous, voilà, on les refusait, nous disait de partir, et nous, on refusait. Et en Grèce, la police nous ignore. Jusqu'à la rentrée d'Athènes. Ah. Nous a ignoré. Bon, μια σημείωση αρκετά σημαντική είναι ότι μέχρι την Αθήνα υπάρχει μια γενική άγνοια της αστυνομίας απέναντί τους. Δηλαδή, τους αφήνει να κάνουν ό,τι θέλουν. Là, au fait, moi j'ai peut-être bon, c'est peut-être ma pensée humble personnelle, mais c'est quand même. Tu sais que bon, les Grecs, la police grecque en général, bon, elle est assez. On va dire dans la campagne, elle est assez sympa, c'est ouais. Bon, tu vois. Mais comme il y a eu des embauches incroyables à Athènes pour la révolution et tout ça, et ils sont assez violents en Grèce et assez organisés. Donc, και αυτό θα συμβεί μέχρι την Αθήνα, γιατί μετά στην Αθήνα θα αλλάξουν τα πράγματα και το σκηνικό της αστυνομίας. Donc après Patras ou l'accueil des gens à Patras. À Patras, c'était difficile. Faut dire, c'était très difficile. C'était parce que c'était bon, la grande ville, et là on était encore un peu. Vous n'êtes pas allé à Salonique, un petit peu. Non, Salonique, non. Donc là, c'est Patras, c'est la plus grande ville que vous rencontrez au premier passage. Oui. Et là, les grandes villes nous ignorent, en fait. Parce que. Et les gens là-bas, vous voulez dire. Oui, aussi. Parce que, fondamentalement, c'est comme la perception, c'est que ce type de mouvement. Qui d'occupation avec des espaces publics de type pacifique comme ça, il c'est comme quelque chose de déjà passé. Il s'est passé déjà, a été déjà réprimé, a été déjà eu déjà. Voilà, c'est l'année passée et n'a pas eu d'effet. Donc c'est comme un retour de quelque chose qui a été abandonné. Là, j'ai une question avant de traduire. Et, est-ce que tu as senti la crise plus à Patras que dans les autres villes? Non. Non. Tu n'as pas vu des gens qui cherchaient dans les poubelles Non, on n'a pas remarqué. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas, pas fait le tour de quartiers plus pauvres. On était plus ou moins dans les centres. Mais... J'ai pas remarqué une crise terrible à Patras. Je voyais plus de misère dans des villages plutôt que dans la ville de Patras en tant que telle. Λοιπόν, στην Πάτρα το, η γενική υποδοχή ήταν απογοητευτική. Δεν υπήρχε καθόλου αντίδραση από τον κόσμο. Σαν να έχουν κάπως δεχτεί την κρίση. Σαν να σου λένε κιόλας ότι το κίνημα διαμαρτυρίας υπήρξε πέρσι, δεν πέτυχε. Οπότε τι κάνετε τώρα εσείς. Donc, juste donc après Patras, la prochaine destination c'est Athènes. Bon, on est passé par Delphi, on est passé par Eritrea, Ratigny, dans d'autres villages. Oui. Mais juste pour. J'ai aussi une question par rapport à ton impression. Est-ce que tu t'attendais à un accueil plus chaleureux des gens, mais pas par rapport à la solidarité et l'aide, je veux dire, par rapport à l'indignation et l'expression En fait, nous on est partis vers Athènes convaincus que c'était le pays. Où l'essence de révolte, l'essence de résistance, la volonté de ne pas accepter le système, pas accepter les mesures d'austérité, elle était à son plus haut degré en Europe. Et on était comme... on se retrouvait face à toute autre situation. On se trouvait face à une situation de choc, où les gens sont... c'est comme si ils commencent à penser que c'est leur faute. Ils commencent à accepter... pour peut-être éviter de voir la... Après toutes les violences qui se sont passées pendant 4 ans, il y a une dimension, ce que je, personnellement j'ai ressenti, une volonté de... Ils ne veulent plus que les gens se font mal. Ils nous protègent, on arrive, ils nous protègent beaucoup, à Athènes surtout, aussi dans d'autres lieux. Ils ne veulent pas que nous, on a des problèmes avec la police. Ils ne veulent pas qu'il se passe mal, que nous, on a des problèmes. Et c'est comme, voilà, comme une forme de peur, une grande peur, un grand sens de soumission, en fait. Et ça qui nous fait mal, parce que nous, comme, on est là pour donner de l'énergie, et on se retrouve dans un paysage assez triste, assez désespéré. Η ερώτησή μου ήταν πώς είδε ο ίδιος τους Έλληνες μέσα στην αντίδραση και στην διαμαρτυρία και είπε ότι δεν ήταν ακριβώς η απογοήτευση, αλλά περίμενα να δουν πιο θερμή υποδοχή της διαμαρτυρίας, αλλά βρήκανε κάπως τον κόσμο σαν απογοητευμένο, σαν να προσπαθεί κιόλας να τους προστατεύσει από τη βία της αστυνομίας, σαν να έχει ήδη υποστεί τόσα πολλά που δεν θέλει άλλα και προσπαθεί και ταυτόχρονα να προστατεύσει τους ίδιους από την βία της αστυνομίας. À travers les paroles des gens ou à travers, oui, après certaines fois dans les assemblées, c'était les gens communs, les gens qui sont pas activistes, qui sont pas militants, les gens voilà, comme ça, ils prenaient ça comme ils trouvaient à qui donner la faute. C'est vrai ça. Et aussi, les gens, certaines fois, ils nous disaient, par d'autres types, plus ou moins les activistes, les militants, ils disaient que les gens, ils ont peur, en fait. Il y a comme une forme de peur, de peur peut-être des groupes nazistes, des peurs des fascistes, qui l'empêchent de se faire voir dans les petits villages, dans les petits lieux. Tout le monde se connaît, plus ou moins, les visages. Et alors, avant de, comme dire, rester, ils nous observent de loin. Ils ont comme, ils voudraient venir après avec nous, mais ils ont peur parce que après peut-être qu'ils sont vus par d'autres. Il y a toute une forme de terrorisme psychologique qui est. Ο Μαξιμιλιάνο λέει και πολύ σωστά ότι έχει περάσει και κάπως το μήνυμα ότι σαν να οι μετανάστες να είναι το πρόβλημα, το φταίξιμο της, να είναι όλοι αυτοί για την κρίση. Και έχει περάσει αρκετά βαθιά το μήνυμα. Υπάρχει ένα αίσθημα τρομοκρατίας. Του στείλονται κυρίως στα χωριά του ότι πολλοί ενδιαφέρονταν να πάνε προς αυτούς, αλλά φοβούνταν να πάνε προς αυτούς. Ότι κάποιοι τους βλέπανε. Υπήρχε ο φόβος του φασισμού, των νεοναζί, που μπορούσαν να τους επιτεθούν. Και κυρίως της τρομοκρατίας και του φόβου. Donc maintenant, passons après. Ça m'intéresse aussi à Athènes. Ça dit, vous êtes arrivé quand? Nous, on est arrivé. Bon, la dernière étape avant d'arriver à Athènes, c'était à Peristeri. À Peristeri, c'est déjà Athènes, non? Oui, bon, oui, c'est. Si. Bon, alors, Daphne, c'était le 2-3 de mai. C'est plus ou moins les oui, les environs, oui, la banlieue. Et les 5, on arrive à Syntagma. Στις 5 Μαΐου φτάνουν στο Σύνταγμα, εφόσον έχουν περάσει από το Περιστέρι και τη Δάφνη. Donc, toujours la marche. Et est-ce que, bon, il y a eu déjà une intervention de la police? Oui, alors, en fait, les premières rencontres avec la police d'Athènes, c'était à Daphne, à côté du monastère de Daphne, là. On est resté là. La police nous a visité les jours, les 2 et les 3 de mai, pour nous terroriser un peu, pour nous faire voir qu'il y a une présence. Pour dire, comment, c'est-à-dire tu peux... Ils sont arrivés avec 4 motos et dans la nuit ils nous ont dit « Ah, vous devez partir, vous pouvez pas camper ici, et ça c'est Athènes, ça, c'est, même si vous avez fait ça ailleurs, ici c'est Athènes, c'est pas possible, vous devez partir. » Ils ont demandé des papiers et tout ça? Non, ils ont demandé des papiers, mais oui, mais pas, nous nous ont pas obligés à les donner. En fait, en Grèce, on n'a jamais donné des papiers. Ah. Okay. Non, on n'a pas eu de... Voilà. Peut-être quelqu'un donnait des papiers en forme personnelle, mais il n'y a pas eu de... Différemment de l'Italie, que des fois, on devait tous donner, obligés à donner les papiers, même si on refusait, après on est obligé à aller au poste à donner les papiers. En Grèce, c'est jamais passé ça. Ξεκινάμε λοιπόν οπότε από το Περιστέρι και τη Δάφνη. Έχουμε ήδη την επέμβαση της αστυνομίας με μοτοσυκλέτες να τους εμποδίσουν, να δεν μπορούν να είναι εκεί. Ξεκινάνε ακριβώς και λίγο να ζητάνε χαρτιά, αλλά και πάλι είναι πολύ ήπια τα πράγματα και φτάνουμε 5 Μαΐου. C'est le 5 mai, στο Σύνταγμα. Donc, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous avez essayé de camper voilà, à Syntagma. Donc, alors, Syntagma, bon. Syntagma, quand même, c'est la place historique oui, où il y a eu le campement. Oui. Donc, Syntagma, donc, c'était le 5 mai, nous, on a décidé d'arriver là, il y a, en Italie, bien avant que la décision des élections politiques ait été prise par le gouvernement grec. Donc, on a décidé d'arriver là les 5, on se retrouve dans une situation assez difficile, les 5 mai, c'est le jour avant des élections. Oui, justement, donc en fait, juste une petite actualisation. Le 6 mai, c'était quand même les élections, ça c'est un sujet assez crucial, c'était... Et donc vous êtes arrivé le jour, la veille des élections. Nous, on pensait bon, de jamais arriver à Syntagma. On pensait qu'on serait arrêté, on pensait que la police nous aurait empêché complètement toute forme d'entrée dans la place. Donc on allait là comme une sorte de Don Quichotte qui va contre l'impossible. Mais finalement, on a réussi à rentrer. Cette marche n'était jamais arrêtée. Elle est arrivée du principe à la fin sans être jamais arrêtée. Ok. Λοιπόν, οπότε 5 Μαΐου φτάνουν στο Σύνταγμα, δεν ξέραν ήδη ότι υπήρχαν εκλογές την επόμενη μέρα, αλλά τουλάχιστον μέχρι τώρα είχαν καταφέρει να μπουν στο Σύνταγμα όπως ήταν και ο σκοπός τους. Allora, Syntagma, donc on a fait là un premier rencontre avec les gens d'Athènes, on a fait une assemblée, on a raconté un peu, en bref, pourquoi on était là, comme on a toujours fait. Il y a eu donc déjà l'accueil des gens, il y a des gens qui sont... Oui, il y avait des gens, il y avait des journalistes, il y avait voilà, un groupe de motoristes qui étaient là, pour, avec leur voilà, vroom de moteur qui... Mais pas des flippés, tu parles non, pas non, des, non, de police. Non, non, des gens, voilà, je sais pas, un groupe de motoristes, bon, je sais pas, qui nous connaissaient. Et voilà, on s'assise, on a fait notre assemblée avec les gens, on a parlé nous, on parlait des gens d'Athènes, ils ont raconté le mouvement des Syntagma, pourquoi, qu'est-ce que c'était passé, comment ça s'est passé, pourquoi, toute l'histoire, plus ou moins. Et il y a donc un brassage entre nous et les gens qui étaient là dans la place. Λοιπόν, και ξεκινάει λοιπόν στο Σύνταγμα, ήρθαν και διάφοροι και ενδιαφερθήκαν να ακούσουν το μήνυμά τους. De quoi vous avez parlé? Bon, et bon, là, bon, plus ou moins les marcheurs ont raconté leur expérience. Et moi, par exemple, j'ai dit pourquoi on est parti. C'est plus ou moins la même chose que j'ai dit tout au début de cette émission. On est parti, moi personnellement, j'ai dit que j'ai laissé ma vie privée, le cours normal de ma vie à la suite des images vues l'année d'avant à Syntagma où le peuple grec était massacré. Et donc, voilà, je suis parti avec cette idée de solidarité et de réouverture d'espoir, d'énergie pour la situation. Après, d'autres personnes ont raconté un peu l'expérience. Οπότε οι συζητήσεις είναι γύρω, εφόσον υπάρχουν και Έλληνες πλέον σε αυτή την, όχι κατασκήνωση, δεν κατασκήνωσαν στο Σύνταγμα, στην Γενική Συνέλευση και πάλι εξηγήσανε τα ίδια γιατί ήταν εκεί, γιατί ο Μασιμιλιάνος συγκεκριμένα και όλοι οι άλλοι εγκατέλειψαν την προσωπική τους ζωή και όλα τα αυτά που κάνανε στην προσωπική του ζωή για να μπορέσουν να αφιερωθούν σε αυτόν τον τρόπο διαμαρτυρίας, τον ελληνικό τρόπο διαμαρτυρίας, τη διεκδίκηση της άμεσης δημοκρατίας και κυρίως και την διαμαρτυρία τους όσον αφορά το πόσο έχει καταπονηθεί ο ελληνικός λαός. Raconte après. Par contre, de l'autre côté, les gens d'Athènes, nous avons... Toujours, mais excuse-moi, donc il y a eu des Grecs, c'est-à-dire, il y avait des gens en fait qui traduisaient votre message. Oui, il y avait des traducteurs, des français, espagnol, anglais. Bon, nous on est habitués à cette dimension trilingue, c'est normal pour nous avoir au moins trois langues dans l'assemblée. Donc... C'est bien quand même qu'il y ait trois langues et pas que l'anglais. Ouais. Et ça, c'était maintenant le 5 mai. Est-ce que c'était déjà la nuit ou dans la journée? Nous, on arrivait dans l'après-midi, dans 5 heures, on arrivait. Il y avait comme, toujours à Syntagma, parce que de ma propre expérience, il y a quand même pas mal de police. Comment c'était la réaction de la police? Alors, la police, Just quelqu'un, voilà, elle est, comme toujours, ne s'est pas approchée à nous. Elle était là, comme toujours, à Syntagma, dans le coin, mais ça ne s'approchait pas. Λοιπόν, μέχρι τότε το απόγευμα που ήταν αυτή εκεί, η αστυνομία δεν έκανε κάποια επέμβαση. Est-ce que tu as une idée pourquoi? Parce que si, moi je pense que si c'était des Grecs, que des Grecs, peut-être qu'ils auraient intervenu pour arrêter le. Il y a sûrement, il y a probablement deux questions. Une première chose, c'est que peut-être que s'ils nous attaquent, ils nous considèrent et il y a le risque qu'on est défendu. On va être défendu par les Grecs. Ah. Donc c'est mieux ignorer plutôt qu'attaquer. C'est la première chose. Deuxième, c'est qu'on est un groupe international. On a français, espagnol, italien, belge, hollandais, finlandais. Donc il y a le statut, il y a quand même un problème diplomatique. Exact. Ça peut dégénérer avec des ambassades, des trucs, tous les appels qui peuvent arriver ces jours-là. Ça devient un peu un casse-tête pour la police, pour le gouvernement grec faire ça. C'est pas mal déjà. Οπότε, βασικά, εγώ, εμένα το ερώτημά μου ήταν γιατί δεν υπήρξε η επέμβαση της αστυνομίας, γιατί πιστεύω ότι αν ήταν Έλληνες μπορεί να ήταν και πιο βίαιοι, αλλά εδώ τίθενται δύο ερωτήματα. Το ένα είναι ότι αν είχε επιτεθεί θα μπορούσαν μετά να μηνθούν και οι Έλληνες που ήταν εκεί και, να ξεφύγει η πορεία. Και δεύτερον, θα ήταν κιόλας και το διπλωματικό πρόβλημα. Είναι όλοι Γάλλοι, Άγγλοι, Γερμανοί. Δεν είναι μετανάστες, έτσι. Vous êtes pas des immigrés, parce que. Tu vois ce que je veux dire, parce que. Il est belli avec nous. Oui. Ça, je devine. Mais je veux dire que, quand même, c'est toujours le problème entre les expats c'est et compliqué. Les immigrés, tu vois ce que je veux dire. Et alors, raconte mais, la suite. Mais, ça, on est toujours le 5 voilà, mai. Ouais, c'est toujours le 5 mai. C'est toujours le jour de la réflexion. L'assemblée des rencontres, ça se termine naturellement. Et la question qui se pose, c'est voilà, qu'est-ce qu'on fait? Où on va à dormir? Mais pourquoi vous n'êtes pas resté sur Syntagma? Alors, en fait, on a décidé. Et το ερώτημα που ξεκίνησε είναι πού θα πηγαίνουν να κοιμηθούν εκείνο το βράδυ για να συνεχίσουν το έργο που είχαν ξεκινήσει. Και η ερώτησή μου είναι γιατί όχι στο Σύνταγμα. Pourquoi pas à Syntagma? Donc, l'histoire, c'est. On commence la discussion. Il commence à faire déjà nuit. Et comme toujours dans cette dynamique, il y a certains qui ouvrent leur tente. C'est une forme, c'est biologique, on est fatigué, on peut plus déparler. Alors, il y a toujours quelqu'un qui ouvre sa tente à un moment donné, quand la discussion ne se conclut pas. Et dès que la première tente s'ouvre, il y a la première intervention de la police qui débarque dans la place. Intervention, tu entends? Oui, c'est. Comme c'est. Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, ils arrivent et nous disent, voilà, si vous ne pliez pas la tente, on vous charge. Με το που, αυτό είναι το συνηθές, με το που ξεκινάει λοιπόν να ανοίξουν κάποια σκηνή, να στήσουν κάποια σκηνή όπως κάνανε τόσο καιρό πριν, επεμβαίνει τότε για πρώτη φορά η αστυνομία και τους λέει με το που ανοίξετε την πρώτη σκηνή θα σας διώξουμε από το Σύνταγμα. Οπότε τίθεται το πρόβλημα, το πολύ σοβαρό, πού θα μείνουν. Pourquoi vous avez pas insisté à rester là-bas? Mais nous, donc, on n'a pas décidé de partir à ça. On s'est dit, bien, ok, bon. Ils ne veulent pas qu'on ouvre les tentes. C'est pas grave, il fait chaud, il pleut pas. Quand même, pour nos amis belges, il faisait 30 degrés. Hein. Ouais. Donc, on s'est dit, ben, pourquoi pas, on continue à parler toute la nuit. Il y aura certains qui peut-être vont se coucher, d'autres qui vont veiller, qui vont continuer la discussion pendant toute la nuit. On va réfléchir tous ensemble. Vous êtes combien à ce moment-là? À ce moment, on était, voilà, la marche, on était 35 personnes, plus ou moins. Et les Grecs? Et les Grecs, oui, là, il y avait pas mal de Grecs qui restaient dans la place. Au moins, à mon avis, on était au moins 100-150 personnes dans la place. 250? 100 personnes, 150 personnes, il y avait. Οπότε το βράδυ, σε αυτή τη σκηνή που μιλάμε, δηλαδή πριν να στήσουν σκηνές που δεν μπορούν να στήσουν σκηνές, έχουν συγκεντρωθεί ήδη 100 άτομα. Είναι οι 35 της πορείας που έχουν ξεκινήσει από την αρχή και άλλοι περίπου να πούμε 65 τουλάχιστον Έλληνες που έχουν έρθει στην ομάδα. Écoute, là, parce que ça devient assez intéressant et on oblige comme ça nos écouteurs de rester avec nous, on va passer un peu de musique, histoire de se reposer et on revient tout de suite après. Donc voilà, on décide, on est là encore, on traduit, on parle de tout, n'importe quoi, différentes traductions, on reste tranquille et on attend. Il y a certains qui commencent à ouvrir leur sac de couchage, certains qui commencent à dormir, certains qui parlent. À un moment donné, voilà, on s'est dit finalement que nous, on a en tout cas le droit de rester là, parce que notre mouvement, notre assemblée n'est pas là pour influencer les votes pour une ou l'autre partie politique. On est là pour une forme d'expression, pour une assemblée qui n'a rien à voir avec le contexte électoral. On est là dans l'espace public, on parle. Mais, évidemment, on sait bien qui le contexte. Et à un moment donné, la police commence à se préparer. Ils commencent à mettre des casques. Aïe. Et alors, moi, voilà, je commence à voir ça. Certains font semblant de se mettre à dormir. Et moi, je vais dans l'arbre où le gars s'est suicidé. Et la police, en fait, commence la charge à partir de ce point. Donc, à partir de l'arbre où j'étais là, la police commence à me pousser. Moi, j'avais ma tamorra, pour les gens des Belges qui se rappellent que je joue la tamorra. J'étais là, et c'est un tambour, c'est le tambour. Ah, ok. La pandarette. Et voilà, la police commence à nous pousser. Elle commence à nous pousser. Et là, avec quoi? Avec leur matraque, leur bouclier et tout. Voilà. Οπότε συνεχίζει, ξεκινάει η αστυνομία να τους πρόχνει, τους στείλει πρέπει να φύγετε. Et là, on est fatigué, on est très fortement fatigué, on n'a pas là envie de faire une résistance physique là, à ce moment, dans la nuit, après toute la fatigue de 6 mois de marche, la fatigue psychologique de la situation. Donc, petit à petit, très très très très lentement, on se prépare, on prend nos caddies. Et avec une lenteur épuisante, lentement, on s'éloigne de la place, poussé mètre à mètre par la police qui nous accompagne doucement dehors. Οπότε το βράδυ της 5ης Μαΐου, μία μέρα πριν τις εκλογές, η αστυνομία τους πρόχνει σιγά σιγά, τους πρόχνει με τις σπίδες τους, με όλα τα γνωστά μέσα. Και τους διώχνει από το Σύνταγμα. Donc, finalement, vous avez... Ouais, on est viré par la place et on chante, en chantant, on chante qu'on retournera. C'est pas fini là, on retournera à la place Σύνταγμα. Donc, και φυσικά, φεύγοντας, τραγουδάνε και το σύνθημα, θα ξαναγυρίσουν. Donc, comme on est ici, donc, on rappelle toujours, le message c'est votre assemblée générale pour le 12 mai. Donc, c'est un appel général et on voudrait parler un peu de ça, d'où vous allez commencer, à quelle heure et tout ça. Bon, je sais que c'est pas évident, cette organisation, mais quand même, on va aussi vous dire comment on va vous procurer l'information pour tous ceux qui veulent suivre, tous ceux qui veulent nous rejoindre. Λοιπόν, ο βασικός σκοπός αυτής της εκπομπής είναι να σας πούμε για το γενικό καλέσμα που θα ξεκινήσει στις 12 Μαΐου. Για τη γενική διαμαρτυρία αυτών των παιδιών και για όσους θέλουν να μπουν σε αυτή την ομάδα διαμαρτυρίας. Λοιπόν, θα ρωτήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες, θα σας δώσουμε και πληροφορίες που μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες. Ελπίζουμε να είσαστε όλοι εκεί, όσοι μας ακούτε και όσους μπορούμε να μαζέψουμε. Δόνκα. Bon, sûrement il y aura volonté de la place de l'après-midi. On voudra faire une assemblée, on voudra monter un campement. Tout en sachant qu'on va être viré. Vous êtes prêts donc, parce qu'il y aura la violence. Hein. Oui, on sait qu'ils vont nous chasser. On l'a vu le 5 mai, on a vu que dès qu'on ouvre une tente, la police intervient. On est préparé à ça. On a nos caddies. Et les caddies sont quand même intéressantes comme outil pour rester là. Donc, c'est peut-être une idée de trouver la plus grande quantité de caddies. Chacun prend un caddie rempli de ce qu'ils veulent pour être lourd et faire une forme de résistance, une forme de voilà, une résistance physique à être à la. Donc l'après-midi du 12 mai, c'est un rendez-vous, c'est un appel général pour tous ceux qui veulent joindre le groupe, pour tous ceux qui veulent protester. Et λοιπόν, οπότε στις 12 Μαΐου, το απόγευμα, στο Σύνταγμα. Είναι ένα γενικό κάλεσμα για όλους όσους θέλουν να μπουν στην ομάδα και να διαμαρτυρηθούν για αυτό που γίνεται τώρα εδώ και για όλη την πολιτική κατάσταση και την οικονομική. Et je voudrais te poser quand même une question. Est-ce que tu as été ici pendant les élections? Tu connais le résultat des élections? Oui, je connais, j'ai vu un peu la situation. Il paraît qu'il n'est pas possible de faire un gouvernement, il paraît. Bon, il y a la grande tristesse du parti nazi qui prend une énorme place dans le. C'est la première fois dans l'histoire que l'horreur dorée rentre dans le Parlement. Et aussi, ce qui. Et non seulement ça, il y a aussi un autre parti d'extrême droite aussi qui a réussi à rentrer dans le Parlement. Mais quand même, ils ne forment pas de gouvernement. Mais aussi, mis à part ça, il y a aussi une grande victoire pour la première fois pour le parti de gauche, de vraie gauche, et pas socialiste, patati patata, c'est vraiment le parti de gauche qui prend la deuxième place, ça tu sais, et avec une petite différence avec la nouvelle démocratie. La sensation que j'ai, c'est que les gens sont allés voter contre les mesures d'austérité, contre la Troïka, contre fondamentalement ce qui s'est passé pendant les derniers 4 ans. Mais il y a, à cause de la fragmentation de la gauche, il semble pas possible. C'est très difficile de faire un gouvernement de gauche, de vraie gauche, qui fait front à la Troïka. Et donc la question, c'est un casse-tête, c'est un véritable casse-tête. Il paraît que toutes les combinations possibles, aucune combination débouche à un gouvernement. Oui, effectivement, c'est vrai. C'est toujours le problème de la gauche un peu partout. Et le problème de la vieille gauche qui ne veut pas un peu se développer. Mais il y a aussi une petite remarque, tout d'abord, que je voulais pour nos amis en Belgique qui nous écoutent. C'est quand même que les deux partis principaux que pendant toute leur vie ont gagné aux élections, c'était soit l'un, soit l'autre, pour la première fois n'accumulent pas une majorité, mais même pas une victoire. Déjà, le Parti socialiste qui était toujours premier ou deuxième est arrivé troisième. La Nouvelle Démocratie a eu le taux le plus bas dans l'histoire. Mais aussi, il faut dire que pour la première fois dans l'histoire des élections, il y a eu au moins 38% de la population qui n'est pas allée voter. C'est-à-dire qu'ils ont choisi cette manière de protester, de montrer leur indignation. Et ce qui fait que aussi, c'est pour ça qu'il y a eu ces résultats, mais aussi, il faut dire que le parti de l'aurore dorée d'extrême droite, néo-nazi en fait, dans leur programme électoral, ils annoncent qu'ils vont nationaliser les banques, qu'ils vont chasser les immigrés et que aussi ils vont donner la place aux retraités qui ont été les grands perdants de la crise. C'est-à-dire que si on enlevait de leur discours la partie nationaliste de chasser les immigrés, ça pourrait être très bien un parti de gauche, tu vois. Donc, dans l'autre ça, il y a des questions de technologie, c'est accès au ministère de l'Élysée, c'est une explique si c'est των νεοναζί που για πρώτη φορά στην ιστορία μπαίνουν στη Βουλή και όλα τα σχετικά που ξέρουμε. Θα πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι μουσικής και μετά θα σας πούμε πού να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το κίνημα. Ελπίζουμε όσοι μας ακούτε να έρθετε στο κίνημά μας. Είναι ένα κίνημα ειρηνικό, το οποίο το μόνο που αποσκοπεί είναι απλά να εκφράσει τη διαμαρτυρία του και την αντίσταση σε αυτά που γίνονται τώρα. Donc on passe au dernier morceau et puis après on va donner toutes les informations où on peut vous trouver et suivre votre mouvement, ok? Tout d'abord, on veut parler des sites où on peut vous trouver plus d'informations. Donc la plateforme, il y a différents lieux. La première, c'est la page Facebook de March to Athens. Donc March to Athens, c'est MARCH, et après c'est 2 ou c'est tout? Tout, c'est la page Facebook, c'est tout. Athens, ok. Ça c'est Facebook. Λοιπόν, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στο Facebook, στο March to Athens, όπως τα ακούμε. Pareil sur Twitter. Il y a πάλι στο Twitter, March to Athens, c'est pareil, donc sur Twitter, c'est aussi March to Athens. Et donc, il faut rappeler que c'est un appel mondial. Il y aura un rassemblement international dans tous les endroits du oui. monde. À Bruxelles, ça va être où? À Bruxelles, bon. C'est pas courant, les gens de Bruxelles sont en train de s'organiser, les gens de Bruxelles, les différents manifestants. Ou ailleurs. Non, mais j'ai aucune idée de Bruxelles. Non, pas à Bruxelles, je veux dire ailleurs dans le monde. Ah, dans le monde, oui. Il y a la Belgique, il y a l'Espagne, il y a les États-Unis avec le mouvement Occupy Wall Street qui est un plan. Donc vous êtes en contact avec. Oui, plus ou moins, il y a des contacts, évidemment. Et dans l'Amérique latine, au Mexique, en Argentine, il y a aussi des gens qui feront des actions, des manifestations, des rassemblements. Dans l'Europe de l'Est, en Hongrie et Bulgarie, il y a des choses prévues. Chaque jour, il y a d'autres pays qui s'ajoutent, en Angleterre aussi, dans l'Europe du Nord aussi. Donc c'est vraiment un appel mondial. Comme l'année passée, le 15 mai, c'était l'Espagne qui a commencé et les autres pays ont repris l'appel de l'Espagne. Maintenant, en fait, et il y a eu des gens qui se sont rassemblés à cause de ça. Oui, exactement. Pour exemple, à Bruxelles, ensuite à l'appel ensuite à la mouvement de 15 mai de l'Espagne, il y a eu des mouvements à Bruxelles, il y a eu des mouvements le 17 septembre suivant aux États-Unis, il a commencé le mouvement Occupy Wall Street, et il y a eu en Allemagne des occupations, et dans différents pays, il y a eu des gens qui ont occupé les places. Donc maintenant, c'est beaucoup plus organisé dans le sens qu'il était préparé pendant beaucoup plus de temps, il y a beaucoup plus de mouvements qui commencent dans le monde entier. Et voilà, donc nous on sera ici à Athènes. C'est vrai qu'on est loin, la Grèce était toujours loin de l'organisation, du mouvement international, était toujours comme un peu à côté, à l'écart. Mais ça doit être une question probablement de langue, à mon avis, parce que les informations sont plus lentes à se répandre. Tout ce qui s'est passé à Syntagma, par exemple à Bruxelles, nous on savait que Syntagma s'est passé quelque chose, mais c'était plus lent l'information à arriver. Λοιπόν, το κάλεσμα είναι γενικό, είναι παγκόσμιο. Θα γίνει στις 12 Μαΐου, όπως θα υπάρχει και στο Σύνταγμα γενικό κάλεσμα. Θα υπάρχει γενικό κάλεσμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην Αγγλία και στη Γαλλία και στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο και στην Ουγγαρία και όπου γενικά όπου έχουν συνεννοηθεί να υπάρξει γενικό κάλεσμα. Όπως είπαμε λοιπόν, March to Athens για Facebook, όπως επίσης και Twitter είναι πάλι March to Athens. Tu m'as parlé aussi d'une plateforme. Take the Square. Take the Square είναι επίσης μια πλατφόρμα στην οποία μπορείτε να ενημερώνεστε για το κίνημα. C'est quoi cette plateforme de Take the Square? C'est comme un catalyseur, un agrégateur d'informations qui, où tous les mouvements qui d'occupation d'espace public, ils déversent leur communication, leurs photos, ce qui se passe, les vidéos. Et donc il y a comme une mise à jour continuelle de tout ce qui se passe dans toutes les parties du monde. D'accord. Take the Square alors. Take the Square, λοιπόν, στο λόγιο και στα ελληνικά. Είναι μια πλατφόρμα στην οποία μπορείτε να ενημερώνεστε για το παγκόσμιο κίνημα. Είναι πολύ σημαντικό να είναι παγκόσμιο το κίνημα. Μια αντίσταση στην παγκοσμιοποίηση πάνω απ' όλα. Donc, est-ce qu'on... D'abord, pour finir, hein? C'est pas d'abord, c'est pour finir, Massimiliano et aussi Sarah qui est là de Belgique, de la partie flamande. Et merci énormément d'être là. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant de finir? Ouais, je voulais remercier cette radio, cette possibilité d'exprimer... C'est Radio Entasi. Radio Entasi. Pour l'hospitalité qu'il nous a donnée, aussi remercier nosotros et en général tous les gens d'Athènes qui nous ont accueillis, qui nous ont... C'est-à-dire tous les scouts. Tous les scouts, tous les mouvements sociaux qui ont ouvert leurs portes à notre présence. Et je voulais dire que ce groupe, il a c'est pas un groupe d'activistes en tant que tel, c'est un groupe ouvert où toute personne est bienvenue. Et donc des fois, l'image qu'on donne, elle pourrait être un peu naïf, un peu différente de la classique image d'un groupe de militantes. Mais c'est ça, c'est cette diversité, cette ouverture, cette capacité d'être sans un schéma prédéfini qui donne la force, la charge du projet et sa capacité de continuer d'une forme populaire. C'est un véritable... Petite à petite échelle, c'est un mouvement populaire. Λοιπόν, ο Μαστιμιλιάνο ευχαριστεί το Radio Ένταση που τον φιλοξένησε και όλα αυτά, όλους τους κοινωνικούς χώρους που ανοίξανε τις αγκάλες τους σε αυτό το κίνημα. Επενθυμίζει ότι είναι ένα κίνημα ειρηνικό. Δεν έχει σκοπό ούτε τη βία, ούτε το να προκαλέσει ζημίες. Το μόνο που θέλει να περάσει το μήνυμά του είναι ανοιχτό προς όλους, ανεξαρτήτως ενοτροπίας, ιδεολογίας, κοινωνικής προέλευσης. Και αυτό, ξέρεις, αυτό ελπίζουμε επίσης, ότι δεν έχει ένα γενικό σχήμα, ένα προκαθορισμένο σχήμα, δηλαδή αριστεράς, δεξιάς. Είναι όλοι πρόσδεκτοι και ελπίζουμε να είμαστε πολλοί στο Σύνταγμα 12 Μαΐου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούσατε. Merci tout le monde de nous avoir écouté. Merci à Massimiliano et tout le... J'espère qu'il y aura pas mal de monde le 12 mai. On sera tous là. Et j'espère que tout le monde aussi sera là où ils sont pour protester. C'est un mouvement mondial, international. Nos pas à rien. Ciao.